Oui, bonjour. Moi, je suis Carole Boutillette de la poterie de Dodswell. Nous sommes aujourd'hui à la boîte à cadeaux ici à Dodswell, qui est très animée actuellement. Nous serons également dans 10 jours au Salon des métiers d'art de Sherbrooke pour vendre nos produits de essentiellement de la vaisselle que nous fabriquons ici à Dodswell. Alors, vous pouvez aussi nous voir venir à l'atelier en tout temps. Vous pouvez nous trouver sur Internet en composant la poterie de Dodswell.